La basse. Thank you. Oh putain, je savais que c'était quelque chose. Isabelle a les yeux bleus. Thank you. Et là, ça devient disco. Allez, danse, bébé, danse. Danse, danse, danse, danse, danse, bébé, danse. Et danse sur la piste. Oui, monte sur le bar, bébé, déshabille-toi. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you.